Batisi kombo ya likambo ukilo Ukilo awanga ninga Ukilo awanga ninga Likambo ya ngana mama na kati andako ukilo Swana kina ena kati andako Loko la sala kamote mamo kusetie Zina na bima kangi bilo maki Abili babo kibae ba mondi melie Ba pesa kanga fote kona landa kite mama mama Sala nesika nama kukilo Nitya nesika nama kukilo Babo kilo balingi sembo moya kutike Moya ngae sifisa babo kipembe niyo Ome melanga et tout droit na katia kine na bandi komona na danger de mort bando ki a putue na kwelanga vraiment na koka moi mirae Monanite e comme le colambula somie mama mira esa seme utala ena pepi e paye a be makana ba joise o memelanga e tout trois na katia kine na bandi komona na danger de mort bando ki a putue na kwelanga vraiment na koka moi mira e chérie na sala bonio Yeah, I've been my car and I would Memelanga et tout droit, na katia kine, na zali komona, a danger de moi. Vraiment, na toka moi, mirae. Comme il encore ambula son mien papa, il claque ses mains, au talaena pour eux, il paye à Pemaka, na autre. Mais Mélanga est tout droit, na Katia Kine, na Zali Komona, pas danger de moi. Vraiment, na Koka moi, Mirae. Chérie, na sala bonio, monte mananga, chérie, monie. Andakara, andakanya Allah.